Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patrimoine en lumière, votre chronique mensuelle consacrée à l'art et à l'histoire d'Amboise. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet aussi rare que symbolique, un drapeau offert en 1791 par les dames citoyennes d'Amboise à la garde nationale. Un témoin exceptionnel de la Révolution française, de l'engagement politique et de l'engagement féminin qui décidément est mis à l'honneur ces derniers temps sur notre localité. Ce drapeau, il sera présenté au Musée d'art et d'histoire d'Amboise le 23 janvier prochain. Alors, selon le moment où vous écouterez cette émission, peut-être que vous serez sur la rediffusion, ce qui vous permettra de tout savoir sur ce drapeau. Mais peut-être pourrez-vous prendre, sinon, auquel cas, en note la date du 23 janvier pour assister à cette présentation avant le départ en restauration de ce drapeau. Je suis aujourd'hui accompagnée de Guillaume Métayer, Guillaume qui est responsable du patrimoine à la ville d'Amboise. Alors je dis aujourd'hui, mais c'est comme à chaque chronique, puisque c'est la tienne. Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc Guillaume, de quoi est-ce qu'on parle exactement? De quel drapeau on parle et qu'est-ce que cet objet a de si particulier? Alors on parle d'un drapeau qui date de la Révolution, quand rien que ça c'est assez rare. Oui. Mais en plus, ce drapeau, il est connu, il est mentionné dans les archives, et il a été offert par des femmes, les dames citoyennes d'Amboise. Donc, la conservation de ce type d'œuvre très fragile est extrêmement rare, mais évidemment, ce drapeau, il n'est pas dans un état optimal, d'où la nécessité de le restaurer. Donc, mais du coup, il était où depuis tout ce temps ? Alors en fait, il a été redécouvert dans les années 1975, dans le grenier de la mairie. Wow. Et pour être exposé à cette époque, il a été plastifié, ce qui est une idée pas forcément idéale, puisqu'en fait, la soie du drapeau... Elle a dû souffrir, on imagine. Oui, cette feuille plastifiée a suinté, s'est mélangée avec la soie et la peinture du drapeau. Mm-hmm. Et donc, en l'état actuel, on ne peut plus l'exposer au public. Donc ce sera le 23 janvier une occasion unique de le voir dérouler... À plat, évidemment, avant son départ en restauration. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut être restauré. Il peut être restauré. Mmh. Alors évidemment, c'est une opération très complexe qui va être menée par des restaurateurs spécialisés. Donc une restauratrice textile pour la partie en soie et une restauratrice de peinture pour les parties peintes. Ça implique également de créer un cadre sur mesure qui permet d'exposer le drapeau sans l'abîmer. Il ne faut pas qu'il y ait de points de tension sur la soie puisqu'il risquerait de se déchirer. Et donc normalement, à la fin de l'année, on pourra retrouver le drapeau restauré et exposé dans le musée. Bah justement, c'est la question que je voulais te poser. Une fois qu'il sera restauré, il va intégrer le nouveau parcours du musée d'art et d'histoire d'Amboise ? Voilà, c'est l'objectif. On a assez peu de... On n'en a pas, en fait, d'objets, d'œuvres d'art qui parlent de la Révolution à Amboise. Alors, si vous connaissez bien les collections du musée d'art et d'histoire d'Amboise, dans la salle des mariages, il y a deux tableaux qui parlent de la Révolution. On a Rouget de Lisle chantant la Marseillaise et un très beau portrait en pied de Manon Roland. Mais ça ne parle pas de la Révolution à Amboise. Ici, on a un témoin unique, un objet qui nous parle de la Révolution à Amboise, des femmes et de plein d'autres choses qu'on va pouvoir détailler tout de suite même. Amboise s'appelait Amboise déjà au moment de la Révolution. Oui, ça date de bien avant. Oui. Pardon, j'oublie les classiques. J'oublie les bases de ce que tu m'as appris sur les précédentes émissions, Guillaume. Alors, ce drapeau, il a été offert par les dames citoyennes d'Amboise en 1791. Qui elles étaient, ces femmes ? Alors, on l'ignore, en fait. Ah oui ? Elles ne sont jamais nommées. Le drapeau comporte l'inscription donnée par les dames citoyennes d'Amboise. Aux archives municipales, on a un procès-verbal qui est rédigé suite aux événements qui arrivent après le don de ce drapeau. Mais dans ce procès-verbal, les dames citoyennes d'Amboise sont uniquement appelées les dames citoyennes d'Amboise. Mmh. Et on a dans les archives principalement les noms des hommes. Pour le moment, on ne peut pas faire le lien entre des femmes précisément et ces dames citoyennes d'Amboise. Donc ce qu'on peut déduire, ce qui est assez logique puisque ça existe ailleurs qu'à Amboise, dans ces années 1790-1791, ce sont des groupes de femmes, des clubs en fait, qui s'assemblent pour échanger leurs idées sur la Révolution, sur la citoyenneté. D'ailleurs, c'est assez parlant qu'elles s'appellent elles-mêmes les dames citoyennes d'Amboise, sachant qu'elles n'ont pas le droit, les mêmes droits que les, que mais les citoyens. C'est ça, on est quand même à la Révolution, donc oui, oui. Donc c'est vraiment, il y a une volonté d'avoir les mêmes droits que les hommes. Un vrai engagement féminin. Ah oui, oui, c'est assez... Puis une prise de parole politique, puisque là, on est carrément là-dedans aussi. C'est ça, et donc on voit aussi que... Du coup, elles ont le droit de s'exprimer puisque elles peuvent donner ce drapeau, elles sont mentionnées. Il n'y a pas l'air d'y avoir de débat sur leur présence et leur existence. Ça montre la place des femmes à cette époque. D'ailleurs, on a d'autres exemples connus de dons de drapeaux par des dames citoyennes. Par exemple, à Tours, le 9 juillet 1791, donc la même année. La même année, et on est un mois plus tôt qu'à Amboise. On a la bénédiction de drapeau offert à la garde nationale par les dames citoyennes de la ville de Tours. Et le 24 juillet de la même année, on a les dames de l'Orient qui présentent des drapeaux aux troupes de la garnison et qui prononcent un discours. Donc un discours qui fait aussi écho aux inscriptions qu'on a sur le drapeau, puisque le discours s'achevait par « qu'une éternelle paix vienne nous réunir, mais prononçant toujours « vivre libre ou mourir ». Et sur le drapeau des dames citoyennes d'Amboise, on a de pain sur la soie, vol à la victoire, la liberté ou la mort. Donc on a vraiment ces notions qui se retrouvent sur différentes villes du territoire national. Quelques semaines plus tard, Olympe de Gouges, qui fait partie des figures féminines révolutionnaires bien connues, publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc évidemment qui ne va pas être très bien reçue par les hommes, également par certaines femmes. Oui. Et donc la même année, 1791, on a la fondation de la Société patriotique et de bienfaisance des Amis de la vérité, qui est exclusivement réservée aux femmes. Et qui demandent notamment leur admission aux fonctions civiles et militaires. Donc on a des clubs qui vont vraiment très loin dans les revendications féminines. Alors c'est quelques années qui voient vraiment cette quelque sorte émancipation des femmes, mais qui va s'interrompre assez brutalement à la fin de l'année 1793 avec l'interdiction des clubs féminins. Oui. Donc voilà, on entre dans la période de la terreur, les femmes sont appelées à rester à la place qui leur est définie par le pouvoir masculin. Et donc on suppose évidemment qu'à Amboise, c'est aussi la fin de ce rassemblement des dames citoyennes qu'on n'arrive pas à situer dans le temps, parce qu'on sait juste qu'elles existent en août 1791, on ne sait pas depuis quand, on ne sait pas jusqu'à quand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elles existent encore en octobre 1793, leur rassemblement devient interdit. Donc une manière de casser cet élan qui aurait pu avoir des conséquences finalement, si toutes les femmes avaient eu droit de parole et de décision. Ah bah, ça aurait changé, changé l'histoire. Les choses. Oui. Si elles voyaient le mouvement MeToo aujourd'hui, ces femmes révolutionnaires. Donc du coup, ce drapeau, c'est un témoin rare de la Révolution française, évidemment. Les inscriptions qui sont sur celui-là, alors du coup, tu nous as cité plusieurs phrases qui étaient extraites de différents drapeaux. Le nôtre, c'est quoi ? Alors ouais, c'est extrait d'un discours. Le nôtre, sur une face, on a « Vol à la victoire, la liberté ou la mort ouais. », avec au centre la représentation d'une figure féminine qui donne une arme à un soldat, probablement l'image de la garde nationale. Donc la figure féminine, ça peut être la République, par exemple, donc la République qui arme le citoyen. Ouais, c'est souvent le cas, d'ailleurs, non ? Oui, c'est ouais. des motifs qui sont vraiment caractéristiques de cette époque. Et de l'autre côté, on a l'inscription donnée par les dames citoyennes d'Amboise. Très bien. Alors tout à l'heure, tu as parlé du don du drapeau et qui a émané justement des événements et pas que des événements joyeux. Oui, donc c'est ce qui est assez exceptionnel aussi avec ce drapeau, c'est la conservation d'archives qui mentionne très précisément le don du drapeau et les événements qui ont suivi. Donc on sait que ce drapeau a été donné le 7 août 1791 lors de la messe dominicale en l'église Saint-Denis d'Amboise. Oh. Et donc qu'il a été remis à la garde nationale. Alors, on ne sait pas si le drapeau a été brodé par les dames citoyennes ou si elles l'ont assemblé, si elles ont commandé les peintures à un peintre local, si elles l'ont peint elles-mêmes, si certaines savaient peindre, on ne sait pas. On sait, ce qui est sûr, c'est qu'elles l'ont offert, mais on ne sait pas si elles l'ont également fabriqué. Est-ce qu'elles l'ont commandé ou est-ce qu'elles l'ont fabriqué ? Oui, parce que si elles l'avaient commandé, ça veut dire qu'elles l'auraient financé. C'était peut-être pas évident pour des clubs de femmes au moment de la Révolution de pouvoir financer des travaux comme la conception d'un drapeau. Bah, tout à fait. La question qui se pose, d'ailleurs, c'est quel est le milieu social de ces dames citoyennes ? Eh oui, est-ce qu'elles font plutôt partie de la bourgeoisie, parce qu'on sait que c'est une partie de la population qui est très active à la Révolution, ou est-ce que ce sont des petites ouvrières qui forcément ont même pas du tout de moyens ? Après, la Révolution, aussi, il y a la notion de don pour la patrie. Donc, c'est très participatif, la Révolution française. Parce qu'on imagine que le peuple le plus revendicateur au moment de la Révolution, c'est pas la haute bourgeoisie. Donc on peut imaginer que ces dames citoyennes, elles étaient peut-être pas forcément fortunées ou issues de... On peut tout imaginer finalement. C'est ça. Alors, on sait pas. On peut être quasiment sûr qu'elles font pas partie de la noblesse. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être des femmes de notaires, d'avocats, de, ouais, de marchands. Peut-être qu'on le découvrira un jour. Le club couture à l'époque de la Révolution, le club couture amboisien. Et après voilà, on est aussi dans la suite du mouvement des Lumières, où justement au XVIIIe siècle, on a des clubs féminins, des rassemblements, oui, des salons où les femmes discutent entre elles. Et là, ça concerne plutôt la noblesse ou les classes plutôt éclairées de la société. Donc là, on peut imaginer que c'est là un petit peu la suite de ces mouvements avec des femmes qui ont une opinion politique quand même, donc qui peuvent être éduquées, donc qui font probablement plutôt partie de la bourgeoisie. D'accord, oui. Mais ça n'empêche qu'on peut aussi avoir d'autres femmes de classe populaire qui ont suivi le mouvement et qui ont participé à cet élan patriotique. Et donc, le 7 août 1791. Le 7 août 1791, on a cette messe, on a la remise de ce drapeau. Et à la suite de cette messe, on a une fête citoyenne qui est organisée dans l'ancien couvent des Cordeliers. Donc je pense que ça parlera à assez peu d'amboisiens, le couvent des Cordeliers, puisqu'il n'existe plus, il reste quelques bâtiments, mais c'est pas un lieu. C'est pas où il y a l'abside maintenant, à côté du Netto ? Oui, c'est ça en fait. C'est entre l'église Saint-Denis et Sainte-Clotilde. Et donc c'est un couvent assez important pour l'histoire d'Amboise, puisqu'il avait été fondé en 1412 par Pierre II d'Amboise, donc vraiment de la famille d'Amboise. Et donc on a plusieurs membres de la famille d'Amboise qui ont été enterrés dans le couvent des Cordeliers, puisque c'était leur fondation. Alors la communauté religieuse est dissoute en 1790, mais on sait qu'à cette époque, il y a quasiment plus de moines dans ce couvent. La municipalité va envisager d'y installer l'Hôtel Dieu en 1791, mais finalement ça se fait pas. Donc en 1791, on a un grand bâtiment qui est libre. Donc c'est pour ça qu'on peut y organiser des fêtes, on fait un petit peu ce qu'on veut dans le couvent des Cordeliers. Alors la suite de l'histoire de ce couvent, c'est sa transformation en manufacture de lime en 1798. Et donc l'usine va se développer surtout à partir de 1806 avec le nouveau propriétaire, monsieur de Saint-Brice. Du Clos Lucé. Entre 1810 et 1830, elle fournit les arsenaux de la marine et elle emploie 200 ouvriers en 1830. Donc c'est une très grosse industrie. Oui, en effet. Qui va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Et donc logiquement, avec la transformation en manufacture, on va avoir de très importantes modifications sur les bâtiments du couvent, sur l'église, qui va être en partie détruite et énormément transformée à toute fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle pour les besoins de cette usine. D'accord. Donc voilà, ça vous situe le lieu, oui, de l'événement. Alors on a le lieu, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les événements qui ont suivi nous permettent d'avoir la mention du drapeau, parce que sinon on n'aurait pas forcément eu la mention du don de ce drapeau. En fait, à la suite de ce don, au cours de cette fête au couvent des Cordeliers, il y a un événement qui va donner suite à la rédaction d'un procès-verbal par les élus dans le registre des délibérations du conseil municipal. Les témoins vont être interrogés, et les témoins, donc, pour contextualiser leur interrogatoire, leur témoignage, vont mentionner que la fête a eu lieu à la suite du don du drapeau par les dames citoyennes d'Amboise en l'église Saint-Denis. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir la date précise du don de ce drapeau. Alors, donc procès qui est évidemment aux archives municipales de la ville d'Amboise. Tout à fait. Ouais. Et donc c'est un document très intéressant puisqu'on est vraiment plongé au cœur de l'événement. Donc on a les différents témoignages qui peuvent être assemblés les uns avec les autres et ça nous permet d'avoir le déroulé des événements que je vais donc vous raconter. Raconte-nous, Guillaume. Il y a eu des échauffourées, hein, c'est ça. Ça a été très tendu. Tralala, voilà. Donc on sait qu'entre 17h et 18h, un garde national en armes s'est présenté au Sieur Chenantais, qui était le receveur de l'enregistrement de cette ville, pour l'engager honnêtement à sortir de la grande salle des Cordeliers où l'on dansait, parce qu'il n'était pas en uniforme et que la consigne donnée au piquet de garde était de ne laisser entrer que des gardes nationaux en uniforme, ou des dames et demoiselles décorées de ceintures ou ayant des cartes, et les officiers publics connus. Tenue correcte exigée pour cette cérémonie. C'est exactement ça, ça part d'une question d'habillement. Donc on répond à ce sieur Chenantais que l'entrée a déjà été refusée à d'autres personnes qui n'étaient pas revêtues d'habits de garde nationale ou des marques distinctives annoncées. Donc ce n'était pas du délit de faciès. Voilà. Il répond que c'est un député des Amis de la Constitution et donc qu'il ne croyait pas avoir à se vêtir de la sorte, ni sortir. L'homme de garde lui répond que la consigne est précise et qu'il ignore sa qualité. Le surchenantais répond qu'il ne sortirait pas à moins d'être tué de 20 coups de baïonnette. Ah ouais. Donc, suite à cela, nous avons 6 autres hommes de garde qui arrivent et qui renouvellent la consigne à ce surchenantais. Donc, on a un témoin qui raconte que, alors que le surchenantais se disposait à partir, on a un autre monsieur qui arrive, le sieur Charcelet de la Robertière, qui est le commandant de la gendarmerie nationale d'Amboise. Et le sieur Charcelet de la Robertière prend le surchenantais par le bras en lui disant qu'il ne sortirait pas et qu'il répond de lui sur sa vie, parce qu'ils sont tous les deux amis de la Constitution. Alors, on a le détail que cette scène effraie une demoiselle qui se trouve mal et qui est secourue par un des témoins qui raconte, et donc ce témoin ne peut pas raconter la suite de l'histoire. Mais on a d'autres témoins. Et donc on sait qu'ensuite, le sieur de la Robertière, donc le commandant de la gendarmerie, a sorti un pistolet de sa poche en le tenant de la main droite et qu'il s'est disposé à accompagner le sieur Chenanté, qu'il a présenté ce pistolet aux hommes de garde et aux autres personnes en disant « Les premiers qui avancent, je leur brûlerai la cervelle. » Ouh, un fin personnage. Il a ensuite remis son pistolet dans sa poche. Mais plusieurs gardes nationaux se sont opposés. Il a de nouveau retiré son pistolet et l'a encore présenté à la garde. Donc d'autres hommes de la garde nationale se sont saisis de lui pour lui ôter son pistolet. Donc on a un autre témoin qui a juste vu le sieur de la Robertière avec des pistolets en main. Ça crie dans tous les sens. Les témoins crient à la vengeance et menacent le sieur de le commandant de la gendarmerie. Notre premier témoin raconte qu'il voit ensuite donc le sieur Charcelet au fond du cloître entre les mains de plusieurs gardes nationales. Et on a également un brigadier de la gendarmerie, le sieur Maillard, qui lui est à la gendarmerie du bout des ponts, qui se rend compte que le sieur de la Robertière, commandant de la gendarmerie, n'a plus son chapeau. Dramatique, donc il lui donne son chapeau. Il va arriver une autre histoire suite à cet échange de chapeaux. Et donc le sieur de la Robertière est accompagné en prison par la garde nationale. Donc il est suivi par toute une cohorte, dont le sieur Maillard, donc le brigadier de la gendarmerie du bout des ponts, qui entre-temps a retrouvé le chapeau du sieur de la Robertière et l'a mis sur sa tête. Erreur. Grosse erreur, puisque arrivé sur la place du marché, donc on est au pied du château, sur l'actuelle place Michel de Brime, qui était un petit peu plus petite à cette époque, il tente de traverser la foule pour rendre son chapeau au commandant de la gendarmerie. Sauf qu'il est pris pour le sieur de la Robertière, il est poursuivi jusqu'à l'entrepont par la foule. Le scénario mais digne d'un film. Il est maltraité à coups de bâton, de baïonnette et de crosse de fusil. Oh. Qu'il a paré les coups autant qu'il a pu, son habit était entièrement déchiré, et il a entendu qu'il fallait le jeter par-dessus le pont. Puis donc cette foule l'amène au corps de garde en ville, où il reste jusqu'à 22h30, puis il est raccompagné chez lui par un détachement de la garde nationale qui vient à sa rescousse. Vers 6h du soir, c'est le début du procès-verbal, en fait, le maire et les officiers municipaux se rassemblent sur la place du marché, et ils sont instruits à la clameur publique que donc, le sieur Charcelet de la Robertière, commandant de la gendarmerie nationale, a tiré sur les gardes nationales mais a raté ses coups. Donc on a vu qu'en fait dans les témoignages il n'y a pas eu d'histoire de coups de feu. Sauf que là on est au début du procès verbal, donc en fait les élus essayent de comprendre ce qui se passe. Ouais. Et il y a une foule sur la place du marché qui dit qu'il y a eu des coups de feu par le sieur de la Robertière. Et donc ils veulent s'assurer qu'il ne sera pas relâché de prison. Donc on a cette foule qui, d'après la description, est vraiment très très importante, très dense et très très en colère, qui menace de forcer la porte de la prison et de la raser pour faire justice eux-mêmes. La prison qui était... Alors j'ai pas réussi à retrouver précisément où était la prison. Peut-être D'accord. que c'était une geôle qui était sous la maison commune, donc qui n'est pas dans l'actuel hôtel Morin, mais qui était un autre bâtiment au pied du château. Oui, ça serait logique, oui. Parce que ça aurait pu être au château, sinon, mais j'ai pas l'impression que les prisons étaient encore installées au château en 91. À cette époque-là, d'accord. Mais je pense qu'on peut retrouver où étaient les prisons. En tout cas, c'est en ville. Donc, suite à cela, le conseil municipal se transporte au couvent des Cordeliers. Donc, ils font leur petite promenade de la place du marché jusqu'au couvent des Cordeliers. À 18h30, ils sont au couvent des Cordeliers, dans un salon qui précède la grande salle. Donc c'est intéressant, ça permet d'avoir une petite description on imagine les lieux. Et donc là, ils rencontrent Monsieur Ferrand, qui est le commandant de la garde nationale, qui informe le conseil que beaucoup de peuple s'est rassemblé sur la place des marchés sur la crainte que soit relâché le sieur Charcelet, qu'il menace de forcer la porte de la prison et de la raser pour faire justice eux-mêmes. Et que donc, la présence du conseil semble nécessaire pour disperser ou rassurer le peuple. Donc, le conseil municipal qui vient d'arriver au couvent des Cordeliers retourne sur la place du marché pour rassurer le peuple. Le conseil municipal est là et essaye de disperser ou de rassurer le peuple. Le maire réussit à calmer légèrement la foule en rassurant sur le fait que la justice serait rendue et que le sieur Charcelet serait puni suivant la loi. Il est ordonné au commandant de battre la générale pour rassembler le plus grand nombre de gardes nationaux possible pour maintenir l'ordre et la sûreté publique individuelle. Et donc on a environ 200 gardes nationaux en armes qui se rassemblent sur la place du marché. Il leur est fourni de quoi charger leurs fusils et ils se rendent devant la prison pour la protéger. Donc à 21h30, le procès-verbal indique que la majeure partie du peuple s'est retirée. Et donc le conseil municipal se retire en la maison commune pour continuer le procès-verbal et se procurer la preuve du délit commis. Donc ils vont commencer à interroger les témoins, mais ils sont interrompus à 22h par le major de la garde nationale qui annonce que la tranquillité est rétablie et que les patrouilles dans les quartiers ont fait rentrer beaucoup de monde, mais que néanmoins il croyait prudent de laisser une forte garde. Donc on sent que c'est très tendu à Amboise ce soir du mois d'août. On a aussi la compagnie des Invalides qui est chargée de faire des patrouilles pour dissiper tout attroupement. À 1h du matin, le conseil municipal va dans la prison et signifie son arrestation au sieur de la Robertière. Il lui est demandé s'il possède un second pistolet, parce qu'effectivement, dans la foule parlait de deux pistolets et de coups de feu, mais d'après les témoignages, on parle que d'un seul pistolet. Donc le sieur de la Robertière répond que non, il n'a qu'un seul pistolet. Il est quand même fouillé, ainsi que sa cellule, et effectivement, on ne trouve pas d'autres pistolets, donc il n'avait bien qu'un seul pistolet. Il ne faut pas écouter la clameur publique, des fois. Comme quoi. Et donc, le procès-verbal est finalement signé à 2h du matin. Donc, c'est une histoire qui va occuper le conseil municipal une bonne partie de la soirée et de la nuit. Le sieur Charcelet, il avait consommé de l'alcool, non, pour avoir un tel comportement? C'est assez étonnant, oui. Oui, parce que là, on imagine, on voit très bien, hein, on peut tout à fait projeter ce genre de scénario. Oui, on voit bien un personnage très... Oui, qui était déterminé à mettre fin à la petite fête. Et donc, je vous ai parlé de ce sieur Maillard, le brigadier de la gendarmerie du Bout des Ponts, qui avait échangé son chapeau. On le sait parce que le lendemain, en fait, c'est dans un autre procès-verbal. Ah oui. Et donc, le conseil municipal fait une enquête et va interroger le sieur Maillard chez lui, qui lui raconte toute cette histoire. Mais sinon, personne ne s'en est rendu compte. En fait, le sieur Maillard n'est pas mentionné dans le premier procès-verbal par les témoins au sujet de l'affaire. Donc c'est vraiment plusieurs affaires en parallèle. Donc on peut imaginer qu'il y a une très grosse animation en ville, qu'on voit pas tout ce qui se passe en fait. Pour le coup, c'est une véritable enquête pour un chapeau, ce qu'on ferait aujourd'hui pour un portefeuille. Ah, parce que c'est une affaire de sécurité publique. Là, ouais. Le moindre dérangement provoque, on voit, une émeute. On sent que la population est tendue à cette époque. Oui. Il y a peut-être un petit peu de quoi, vu le contexte historique, en effet. Mais tout ça faisant juste suite au don du drapeau par les dames citoyennes d'Amboise. Oui, dis donc. Et ouais, si elles avaient imaginé un tel dénouement au moment du don de ce drapeau, évidemment, c'est... Alors, ce qui est étonnant, c'est que les femmes, en règle générale, ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal, elles ne sont pas interrogées. Donc, est-ce que c'est une fête uniquement masculine? En théorie, non, puisqu'on a quand même la mention d'une demoiselle qui se trouve mal et qui est secourue par le sieur Giraud Charenton. Donc on sait qu'il y a des femmes à cette fête au Cordelier, mais elles ne sont pas interrogées, elles n'ont pas l'air actives dans les événements. On n'interroge que les hommes. Peut-être que les hommes étaient majoritairement présents à cette fête. Et donc à la suite de cette arrestation, le lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale à Tours est informé et se rend à Amboise le lendemain matin. Et donc il manifeste au corps municipal toute la peine qu'il avait que le sieur Charcelet se fût oublié jusqu'au point de compromettre la sûreté publique de cette ville et troubler une fête civique qui devait par son caractère répandre au contraire la gaieté et l'union la plus parfaite entre toutes les classes des citoyens, mais qu'il ne doutait pas que les juges auxquels serait soumis le délit du sieur Charcelet rendra sa justice au public sur ce délit suivant la loi, que le corps de la gendarmerie nationale sera singulièrement affecté de la conduite du sieur Charcelet, et qu'en ce qui le concerne, il prendra sûrement des arrêtés satisfaisants pour le public, que, d'après ce qu'il a pris dans cette ville, il ne peut qu'applaudir aux précautions que le corps municipal et la garde nationale ont pris pour la conservation de la personne du sieur Charcelé. Waouh ! Alors, le sieur Charcelé, est-ce qu'on sait de quoi il a écopé à la suite ? Je pense qu'on pourrait le savoir en faisant quelques recherches. Est-ce qu'il a été obligé de changer de poste, par exemple ? Parce qu'on peut imaginer que les relations avec les Amboisiens allaient être compliquées après cet événement. Là, on imagine... Comment faire maintenir la loi quand on s'est compromis à ce point ? Ouais, c'est clair. Oh, ça a pris des proportions incroyables. Voilà, tout ça parce qu'à la base, le sieur Chenanté n'était pas habillé comme il fallait à la fête des Cordeliers. Oui, tout simplement. Eh ben, c'est étonnant et passionnant, ce récit que tu nous as fait de cet événement. Alors, est-ce que le 23 janvier, est-ce qu'il y aura un dress code pour pouvoir rentrer le 23 janvier Non, aucune tenue civique n'est obligatoire pour le 23 janvier. Donc, pas d'échauffourée ce jour-là, on est d'accord. Voilà. Tout va très bien se passer. Pas de garde nationale non plus. Pas de garde nationale. Mais alors, concrètement, comment ça va se passer? Ouverture du musée à partir de 18h. Voilà, pour l'exposition de ce drapeau, qui sera suivi d'une petite présentation sur son histoire. Donc je rentrerai peut-être pas dans le détail des échauffourées de la fête des Cordeliers. Et ensuite, nous aurons droit à une conférence de Laurent Cuvelier, qui est un enseignant-chercheur spécialisé dans l'histoire de la Révolution, qui viendra parler des objets politiques de la Révolution française. Donc on est en plein dans le thème avec ce drapeau. En termes d'objets politiques, en dehors des drapeaux, on retrouvait quoi régulièrement ? Alors pour ça, il va falloir venir assister à cette conférence. Oui, oui. On ne spoil pas. Donc évidemment, tout est j'aurais gratuit. J'aurais essayé. Ok, donc tout est gratuit, ouverture à 18h, 18h30, présentation du fameux drapeau. Et puis la conférence, dans la foulée, à quelle heure ? Dans la foulée. Dans la foulée, d'accord, très bien. C'est une conférence qui va s'étendre sur combien de temps ? Ou sur une petite heure. Hein. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est aussi original, c'est que vous proposez au public de soutenir la restauration de ce drapeau. Alors, pourquoi et de quelle manière ? Alors, effectivement, c'est une restauration qui est assez coûteuse. Il y a aussi la conception du cadre qui est à prendre en compte dans le coût global de cette restauration. La ville est aidée déjà par la DRAC, également par le Club des Mécènes et la Fondation Bellemin qui sont affiliés à la Fondation du Patrimoine. D'accord. Et donc, parallèlement à cela, nous avons également ouvert une collecte pour permettre à tout le monde de participer à la restauration du drapeau. Donc, elle est déjà ouverte, mais le 23 janvier, il y aura également une petite boîte où vous pourrez glisser les bulletins. D'accord. Donc la souscription est chapeautée par la Fondation du Patrimoine. Donc on donne ce qu'on veut, si on veut ? Voilà. En gros, c'est ça, d'accord. Ah bah oui, c'est important pour la sauvegarde d'un objet textile historique unique en France, parce que il n'y en a pas deux, comme celui-là, évidemment. Ah bon, effectivement. On a de très nombreuses mentions dans les archives, donc dans d'autres villes de France, mais il n'y a jamais le drapeau conservé qui peut être mis en face de ces archives. Nous, à Amboise, on a de la chance, on a à la fois les archives qui mentionnent le drapeau, et le drapeau lui-même. On aurait pu aussi avoir l'inverse, seulement le drapeau et aucune idée de qui l'a donné, quand, dans quel contexte. Comme quoi les archives sont extrêmement bien conservées depuis longtemps à Amboise. Et oui, elles sont extrêmement riches. Parce que... C'est vrai que quand on voit le détail des récits, enfin, si chaque procès-verbal était comme ça, ils ont dû en laisser des bouquins entiers. Oui, d'où la difficulté parfois de retrouver ce qu'on cherche. Oui. Donc, typiquement, on peut avoir d'autres mentions de nos personnalités dans d'autres archives Du de la ville, mais il faut retomber dessus, elles ne sont pas forcément répertoriées. Mais l'avantage, c'est qu'il y aura toujours des choses à découvrir dans les archives. Hein. Absolument. On n'aura jamais fait le tour. Eh bien, merci Guillaume. Donc, on rappelle que ce drapeau, qui est un véritable symbole, une mémoire, un engagement, un témoin de la prise de parole politique et de l'engagement féminin, en 1791. Ce drapeau, il sera visible le 23 janvier au Musée d'Art et d'Histoire d'Amboise, avant son départ en restauration. On sait combien de temps il va être absent, ce drapeau ? Pendant quelques mois. Là, les restaurateurs ne m'ont pas encore donné tout à fait leur planning. Ils vont se coordonner ensemble, mais le drapeau devrait être de retour à la fin de l'année. Il y aura un petit événement pour son retour ? Très certainement. Très et certainement. Puis on aura probablement aussi d'autres événements en lien avec la Révolution, même en lien avec les femmes à la Révolution, tout au long de l'année. Eh bien, en tout cas, vous pourrez venir assister à la présentation de ce projet à la conférence sur les symboles politiques de la Révolution française qui sera donc menée par Laurent Cuvelier ce 23 janvier à 18h, ouverture du musée, 18h30, présentation de ce drapeau et conférence. C'est gratuit. C'est gratuit. Très bien, merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage et puis bah, à très bientôt pour un nouveau Patrimoine en lumière. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt. Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.